dessine déjà. Je sens les ombres sur moi comme un cri, une toute petite voix disant n'importe quoi. Le réveil de mon sommeil, je sens tes sentiments depuis le temps que j'attendais de t'avouer qu'assurément je donnerais tout pour ça, qu'on passe tes mains sur mes peines aussi longtemps que la terre tournera. Ouvrir mes matins sur tes lèvres, je te respire, je te respire. Un café pour que j'assume cette télé qui m'enfume. L'air n'est plus frais sous mes pieds, le monde qui s'enrume. Que des odeurs de peur, mais je sens tes sentiments depuis le temps que j'attendais de t'avouer. Assurément, je donnerai tout pour ça, qu'on passe tes mains sur mes peines aussi longtemps que la terre tournera. Ouvrir mes matins sur tes lèvres, je te respire. Qu'on passe tes mains sur mes peines aussi longtemps que la terre tournera. Ouvrir mes matins sur tes lèvres, je donnerai tout pour ça. Qu'on passe tes mains sur mes peines